Ainsi dit le Seigneur, dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Na komi tungi sateo, potena ebin kolo aebi ba moinanga. Atana sima ye ya no ya minga ngao. Gana komi tungi sate, yene lilo ba ya suka ya ba moina bato. Gana guma mena seye. Compagnon de Daniel. Et ne conso qui au manifi passe côté. Oyo qui au comme le cola moto batte na moto. Banda kaka koguma melanza mena bomoi. Afani na kitina masa. Natangi na Bible bikomba ba botaka bilombe bikomba lelo to guma mela nzambe. Hey, hey, moya to sanga na to ya bisaye. Silas, ami moni sakande na ba situation difficile. Oh, azala kana conseiller tena mokirie. Ata obungisi moto ya motu ya e. Somi sama tondi. Yene mokeli na bata sala kalore na liye. Atana kofi la ma, atana kamba kofi la libo sosia, libo mila.